Il est à peu près 18h sur les ondes de CKRL au 89.1. Futur Simple se poursuit sur une note, on va dire, cinématographique. Avez-vous vu le film A Beautiful Mind? Si oui, vous connaissez un peu l'histoire du célèbre mathématicien John Nash et vous savez qu'il a gagné un prix Nobel pour ses développements mathématiques. Et peut-être vous rappelez-vous que ses développements étaient dans le domaine de la théorie des jeux. Une théorie qui a des applications dans de nombreux domaines, y compris dans la vie quotidienne. Alors, pour nous parler de cette théorie, nous avons une invitée, Véronique Bouzaglou, qui est étudiante à l'INRS, étudiante au doctorat. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, cette théorie des jeux, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est ludique, mais il y a réellement une théorie derrière ça. Oui, au fond, c'est un domaine des mathématiques, puis c'est un domaine qui étudie les interactions stratégiques. Au fond, qu'est-ce qu'une interaction stratégique, oui. Demanderez-vous? Ben, c'est une interaction dans laquelle notre situation future dépend non seulement de nos décisions, mais aussi des décisions des autres. Ah, OK. Alors, au fond, c'est ça. Donc, la théorie des jeux, au fond, c'est un peu la théorie des décisions, si on veut. Mm-hmm. Si vous voulez un exemple... Oui, c'est ça, reste un peu abstrait pour le moment. L'exemple le plus commun de la théorie des jeux, c'est le dilemme du prisonnier. Donc, au fond, l'idée, c'est qu'il y a deux complices qui ont commis un crime X et donc ils se font arrêter et puis ils se retrouvent en prison et ils sont séparés l'un de l'autre. Donc là, on leur offre de confesser. Ouais. Et ça crée plusieurs situations. Mais ils sont séparés, c'est ça. Ils sont séparés, ils peuvent pas se parler. Je pense que ça, c'est un point important. C'est ça. Oui. Donc, il y a plusieurs situations possibles. Soit les deux confessent. Dans quel cas on pourrait dire que ils vont avoir une peine de prison de 2 ans chacun, ou si seulement un des deux prisonniers confesse, lui il va être libéré tandis que l'autre va avoir une peine de prison de 3 ans. Mm-hmm. Et si les deux, si aucun des deux prisonniers confesse, les deux vont avoir une peine de prison de 1 an. C'est ça. Ouais. Donc. Au fond, c'est ça. Là, les prisonniers doivent décider s'ils confessent ou pas. C'est ça, ouais. Ne sachant pas ce que l'autre va dire. Exactement. Ouais. Mais c'est une situation dans laquelle on atteint un équilibre de Nash, qui est nommé d'après John Nash, dont vous avez parlé précédemment, qui a développé pendant son doctorat, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, et donc, c'est un équilibre de Nash parce que la solution pour les deux prisonniers, au fond, c'est de confesser. Okay, peu importe ce que l'autre fait, il va toujours avoir, avantage à confesser. Donc la meilleure solution pour eux, ce serait de confesser. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, ben c'est ça. Si on retourne à notre exemple avec nos 1, 2, 3 ans de prison, si le premier prisonnier confesse, donc l'autre devrait confesser parce que dans ce cas-là, il va avoir 2 ans de prison. Tandis que s'il ne confesse pas, il va se ramasser avec 3 ans de prison. Oui, oui. Si le premier prisonnier ne confesse pas, il est mieux de confesser encore une... Son complice est mieux de confesser parce que s'il ne se confesse pas, il va avoir... donc, c'était quoi? Pardon. Je pense que c'est 1 an de prison. Et s'il confesse, il va... S'il confesse, il va en avoir 0. OK. Donc, d'une manière ou d'une autre... Il est toujours gagnant. Dans les deux cas, il est gagnant à confesser. Exactement. D'accord. Donc, en fond, c'est ça, c'est un équilibre de Nash, parce que la définition d'un équilibre de Nash, c'est que la stratégie d'une des deux personnes va rester la même s'il connaît la stratégie de l'autre. OK. Mais en tout cas, il faut la connaître, cette stratégie, parce que j'imagine que la plupart des prisonniers ne le connaissent pas. J'imagine que non. Ils ne peuvent pas l'appliquer. Et puis bon, ce n'est pas une situation de la vie de tous les jours non plus que d'être prisonnier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme application dans la vie de tous les jours à cette théorie? Ben, un autre exemple assez connu de la théorie des jeux, c'est le problème le optimal stopping problem. C'est un problème d'arrêt. Ça a été développé... au départ, ça s'appelait le problème de la secrétaire. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ancien parce qu'on ne parle plus vraiment de secrétaire de nos jours. Agent de bureau, peut-être. Ouais, c'est ça, des choses comme ça. Mais bon, c'est peut-être même un peu sexiste là, comme façon de penser. Mais l'idée, c'est qu'il y a un monsieur qui doit embaucher une secrétaire. Et puis, il y a un nombre X de candidates qui est connu. Mais... il va toutes les passer en entrevue, mais dès qu'une une candidate sort de l'entrevue, il doit décider si il embauche ou pas. Parce que s'il embauche pas, ben on considère que elle va se trouver un emploi ailleurs et donc il pourra plus l'embaucher. Donc il faut qu'il décide tout de suite sans avoir embauché les candidats, sans avoir interviewé toutes les candidates. Okay. Donc il sait pas si à chaque fois il sait pas s'il y a quelqu'un de meilleur qui va passer après ou non. Ouais. Donc c'est ça, comment est-ce qu'il décide quand embaucher une candidate. C'est un exemple qui on a pas tous à embaucher quelqu'un non plus. Non, c'est ça. Mais on peut s'imaginer plusieurs situations où on doit prendre une décision et qui pourrait être modélisée comme par exemple si on veut se louer un appartement. Mm-hmm. Souvent quand on visite des appartements, ils partent assez vite, là, surtout si on les visite au mois d'avril là, ou quelque chose comme ça. Donc, après avoir visité un appartement, il faut qu'on prenne la décision assez vite. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres appartements qui vont... sont peut-être mieux. Oui, qui vont peut-être apparaître sur le marché. Mais c'est ça. Donc, quand est-ce qu'on décide qu'un appartement est assez bon pour nous, au fond? Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Donc, il faut décider, parce que peut-être faut le prendre tout de suite, cet appartement, sinon quelqu'un d'autre va le louer. Exactement. Mais on ne sait pas, peut-être que l'appartement trois rues plus loin, peut-être qu'il est mieux. Exactement. Mais est-ce que je dois prendre le risque? Ouais. Donc, effectivement, situation similaire. Donc, on voit des applications dans la vie quotidienne. Mais, dis-moi, j'ai le souvenir quand même que John Nash a reçu le prix Nobel, oui, mais le prix Nobel en économie. Oui, qui est d'ailleurs pas un vrai prix Nobel, mais Il doit y avoir des applications importantes en économie. Oui, tout à fait. Au fond, c'est ça. L'idée, c'est que les entreprises, quand elles essayent de maximiser leurs profits, pour maximiser leurs profits, elles doivent fixer les prix de leurs produits. Puis, pour fixer les prix, ils ont des entreprises concurrentes. Donc, elles doivent un peu songer au prix que l'entreprise concurrente va fixer. Ouais. Donc, leur décision à elles va dépendre de la décision des autres entreprises. Sauf qu'en même temps, vice-versa aussi, l'autre entreprise aussi est en train d'essayer... Ouais, c'est réciproque. Voilà. Chacun essaie de deviner, ouais. De deviner ce que... Donc, c'est là que la théorie des jeux entre en jeu. Ouais. Et tout ça, donc, il y a moyen de le visualiser, d'anticiper ce que l'autre va faire ou... Oui, au fond, c'est ça. Ils font des... je pense que ça s'appelle des... Ils décident un peu en fonction de ce qu'ils pensent que l'autre va pouvoir faire. Mais en même temps, c'est de la modélisation statistique aussi. Là. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce qu'il y a des applications dans d'autres domaines encore? Un autre domaine qui s'intéresse beaucoup à la théorie des jeux, c'est la biologie évolutive. Mm-hmm. Donc, c'est ça. À partir de la théorie des jeux aussi, qu'ils ont pu définir comment les organismes interagissent entre eux, puis des histoires de comme coopération ou compétition, et dans quel cas est-ce que ça c'est plus efficace de coopérer que de compétitionner, d'être en compétition. Est-ce que tu as un exemple concret quand tu parles d'organismes? C'est n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, vite comme ça, je suis désolée. Je sais pas, moi, des ratons laveurs, des lions, est-ce qu'ils auraient intérêt à coopérer pour se trouver de la nourriture ou est-ce qu'ils auraient intérêt à être en compétition dans ce sens-là? OK, ouais. Parce que s'ils coopèrent, eh bien, dans ces. Par exemple, les deux pourraient. Pourraient avoir de la nourriture et donc auraient plus de chances de se reproduire, et de passer leur gène. Mm-hmm. Sauf que s'ils sont en compétition, il y en a un des deux qui va... Ouais. En tout cas, donc c'est des idées comme ça qui... Donc finalement, on voit des applications quand même assez variées parce que c'est un domaine mathématique, une spécialité mathématique, mais on voit des applications extrêmement variées parce que tu parles aussi bien, bon, dilemme du prisonnier, oui. qui est vraiment un cas particulier, mais j'imagine que ça aussi, ce cas-là, a des, peut-être d'autres applications, d'autres parallèles dans la vie. Oui, mais c'est le dilemme du prisonnier, souvent, on étudie en économie aussi. Oui. Ouais. Mm-hmm. Donc, oui. Bon, on peut voir le lien avec l'histoire des entreprises qui doivent penser à ce que l'autre entreprise concurrente va faire. Donc, des applications en biologie. Donc, c'est quand même assez inattendu. Oui. En biologie évolutive, pour savoir si un animal ou a intérêt à coopérer ou pas avec un autre. Des applications dans nos décisions de tous les jours. Mais est-ce que ça, c'est... Pour le choix d'un appartement ou une décision d'achat, tout simplement, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pourtant pas des, c'est peut-être des notions qu'on aurait intérêt à connaître et qu'on ne connaît pas. Oui. Oui, en effet. Mais je veux dire, par exemple, l'histoire du problème d'arrêt, c'est quelque chose qui est très difficilement optimisé. Ben, pas, c'est pas difficile, mais c'est pas aussi simple que l'histoire de l'équilibre de Nash où, je veux dire, les prisonniers, bon, on sait qu'est-ce qu'ils doivent faire assez facilement. Sauf que, je veux dire... c'est ça. Parce que là, la réponse, c'est 0 ans de prison, 1 an de prison, 2 ans, 3 ans de prison. Mais là, on ne sait pas si l'autre appartement, il est mieux ou pas. Là. On ne sait pas ce qu'on perd. C'est certain. Ah. Oui, exactement. Mais il y a aussi que, juste mathématiquement, la solution est plus ardue aussi. D'accord. En tout cas, c'est une discipline mathématique assez étrange, inattendue. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Et bon, si chacun a des préoccupations sur le choix de son appartement, on saura que la solution se trouve peut-être dans la théorie des arts. Oui, je pense que c'est plus compliqué que ça. Peut-être probablement que ça prendra plus que lire Wikipédia. La solution est là. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Véronique. Donc, je rappelle que tu es étudiante. Et dernière question, est-ce que dans tes études, tu te sers de la théorie des jeux? Non. Non, donc c'est une curiosité personnelle. Oui, je l'ai étudiée dans le passé, mais... Mais là, je m'en sers pas. Non. D'accord. Donc, je rappelle que tu es étudiante au doctorat à l'INRS. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL et au retour, on vous parle de la viande synthétique.